بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثالث وخمسين ومئة 153 leçon. يقول المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى في سؤال الرابع وتسعين وثلاثمائة وألف 1394 question. ما هي الجنة التي هي أو حبة عفوا ما هي الحبة التي هي شفاء من كل داء إلى الموت. Maintenant, quelle est cette graine qui est une guérison de tous les maux, hormis de la mort? Il s'agit de Habbat Souda, la graine noire. Ils appellent ça la graine de Nigel en français. Quand dans le hadith d'Abu Huraira, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, Inna fil Habbat Souda, shifa an li kulli da, illa sam, wa sam al maut. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que dans la graine de Nigel, il y a une guérison pour tous les maux, hormis pour la mort. Mutafakun alayhi. Et bien sûr, cela, avec la permission d'Allah, il se peut que tu manges, on va dire, des kilos de graines noires sans que cela ne t'apporte aucune guérison. Si Allah ne l'a pas voulu. Tout comme il se peut que tu prennes une seule graine et que par cette cause-là, Allah te fasse guérir. Et cette graine, elle a une façon d'être utilisée que les médecins connaissent. Les médecins qui connaissent la médecine naturelle savent comment l'utiliser. Donc revenir vers eux pour savoir comment faire. Quand Allah... في السؤال الخامس وتسعين وثلاثمائة وألف 1394 question. الشفاء في ثلاثة ما هي؟ Que la guérison est dans trois choses, c'est-à-dire trois causes. Et cela ne se limite pas à ces trois-là seulement. Mais ces trois-là sont célèbres. Il s'agit de boire du miel, al-hijama, ce qu'on appelle les ventouses. D'accord, les ventouses. C'est-à-dire les vers que l'on pose sur la partie du corps pour extirper le mauvais sang. Et le kei parnar, c'est-à-dire la parcotisation, en se posant un fer chaud sur la partie à guérir. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, al-shifa'u fi salasatin, que la guérison est dans trois choses. شربت عفوا في شرطة محجم منه بعلى حجامة وشربت عسل une gorgée de miel أو كية بنار ou une cotisation par feu وأنا أمتي أن كي et j'interdis à ma communauté d'utiliser justement le كي, c'est-à-dire ce moyen par cotisation. متفقون عليه. Et ce moyen-là est détestable, non pas interdit dans l'illicite. D'accord. Parce que c'est douloureux. C'est une chose qui est douloureuse. Donc par miséricorde pour nous, Nabi Sallam nous a interdit d'utiliser ce moyen-là. Quand la fissuelle est sade, il soit tissé, nous avons fait la somme au 1396e question. Kem armar adil umma. Combien de temps vit le temps de vie en moyenne de cette communauté? Comme dans le hadith d'Abi Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, armar ummati ma bayna sittin ila sab'in, wa kalluhum man yajouzu zalika. Rawahu al-Tirmidhi, qui l'a dit, le temps de vie moyenne de ma communauté varie entre 60 et 70 ans. Et peu sont ceux qui dépassent cela. Peu sont ceux qui vivent plus que 70 ans. Thumma qala fi su'al al-thamin wa tis'in wa thalathmiya wa alf 1390e question. Madha nulaqqin al-mukhtadar. Maintenant, que doit-on faire répéter à celui qui est sur le point de mourir? D'accord? Celui qui est sur les deux morts, le musulman croyant, ou même le mécréant, mais il n'est pas encore dans l'agonie. D'accord? Il n'est pas encore dans l'agonie, mais sur un lit d'une maladie, d'accord? On sait que la mort va lui venir. Par exemple, on lui fait dire « La ilaha illallah ». « La ilaha illallah ». Dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « Laqinu mawtakum la ilaha illallah » rapporté par un musulman. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, faites dire à vos morts, c'est-à-dire ceux qui vont mourir, de dire la ilaha illallah, pour leur faire un rappel, pour qu'ils meurent sur la ilaha illallah. Et cela est valable également pour le mécréant, pour l'appeler à l'islam avant de mourir. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce jeune juif, en le disant, dis la ilaha illallah. Ce jeune juif a regardé son père lui a dit, obéis à Abul Qasim. Et après, le jeune juif a dit la ilaha illallah et il est mort sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en disant, Alhamdulillah, lazi anqadhahum minan nar. Louange à celui qui l'a sauvé du feu. Et il est connu que celui qui, dont les dernières paroles font « La ilaha illallah », d'accord, cela est parmi les bons signes, les signes d'une bonne fin. Les signes d'une bonne fin. ثم قال في السؤال 400 و1000 1400e question. ما هي الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس؟ Maintenant, quelles sont les paroles que le prophète صلى الله عليه وسلم a enseigné à ابن عباس alors qu'il était encore enfant. Il était encore jeune. Il dit ابن عباس qu'il dit كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. J'étais derrière le Nabi صلى الله عليه وسلم un jour et sur un âne. فقال donc il m'a dit ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Il lui a dit oh jeune garçon je vais t'apprendre des paroles. Yahfazillah yahfazku yahfazka. Il a dit préserve Allah, Allah te préservera, c'est-à-dire préserve sa religion. Yahfazillah tajidu tujahaka. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Et non pas par son essence, d'accord, mais par son tawfiq et par sa défense et par son sa ma'iyya, ce qu'on appelle son accompagnement privé spécifique. Il dit ça alta fas'alillah, si tu demandes quelque chose, demande à Allah. C'est-à-dire en premier lieu, tu demandes à Allah. Après, elle empêche de faire les causes, d'accord, dans les choses dont tu peux avoir besoin, par exemple d'une aide, d'un soutien sur quelque chose, d'une personne qui dont cela est permis, tu peux demander. Et faire les causes. D'accord? Mais à la base, tu ne demandes rien si ce n'est Allah Azzawajal en premier lieu. Car c'est lui qui donne, en réalité. Et les créatures ne sont que des causes. Ou il ista'anta fasta'in billah, si tu recherches de l'aide, recherche de l'aide auprès d'Allah. Également, en premier lieu, avant de demander de l'aide à la créature. Dans ce que la créature est capable de faire, dans ce dont tu as réellement besoin. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتَ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Et sache que même si toute la communauté s'unissait pour t'apporter un bien, il ne saurait t'apporter que ce que Allah t'a déjà écrit. C'est-à-dire les gens ne peuvent rien faire pour toi en réalité, ce n'est que le fait que Allah l'a décrété. Également, وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et que même s'ils se réunissaient pour t'apporter un mal, te nuire quelque chose, ils ne sauraient te faire de mal que ce que Allah t'a déjà décrété également. D'accord. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Il a dit que les plumes ont été levées, c'est-à-dire les plumes du destin, tout a été écrit et que l'encre a séché des feuillets rapportés par Tirmidhi. Donc c'est un hadith qui appelle à croire au destin et que rien ne saurait nous arriver ce que Allah Azzawajal a déjà décrété pour nous. Et que la créature n'est qu'une cause et en elle-même ne peut rien faire. Et c'est quand on médite ce genre de hadith, le musulman devient très courageux et fait face aux choses qu'il a devant lui. Il devient très courageux. Car il sait qu'il n'y arrivera. Qu'est-ce que Allah a décrété comme qu'a dit Ta'ala, la nusibana lima kataba Allah lana. Rien ne nous touche ce que si ce n'est ce que Allah a déjà décrété pour nous. ثم قال في السؤال الثاني و400 و1000 deuxième question. Ma ahsan wasf lil jannah. Quelle est maintenant la meilleure description qui était du jannah? يقول الله عز وجل فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعيون وانتم فيها خالدون. Qui s'y trouve ce que toute âme désire, tout ce que vous voulez s'y trouve, tout ce qui fait plaisir à l'œil, tout ce qui nous réjouit, et nous serons éternellement. Zukhruf, l'ordonnement, verset 71. Donc tout cela réunit tout, on y trouve tout ce que l'on veut, on y voit tout ce qui nous plaît et on y sera éternellement. Cela englobe, c'est une description générale qui englobe tout. Que soit la nourriture, que soit les biens, que soit toute chose rentre dans ce descriptif-là, par rapport au Jannah, qui n'est réservé que justement que pour le croyant, celui qui est mort sur la foi authentique. On as'al Allah an ja'alana wa iyyakum minhum. Amin. Et dans le hadith de Sa'd ibn Sa'd, qala shaytu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam majlisan wa wasafa fihi al-Jannah hatta intaha. Qu'il ait dit, c'est l'Ibn Sa'd, que j'ai assisté à une assemblée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a décrit le Jannah. Et c'est ce qu'il finisse. Thumma qala fi akhir hadithihi, et à la fin de son hadith, il a dit, fiha ma la aynun ra'at. Il s'y trouve qu'aucun œil n'a jamais vu. Wa la udhunun samira, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Wa la khatara ala qalb bashar, ce qui n'est jamais venu à l'esprit d'une personne. C'est-à-dire des choses inimaginables. Thumma qara hadhihi al-aya. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. Après qu'il est resté dans le sens où Allah dit qu'ils arrachent leur côté de leur lit pour invoquer leur seigneur par peur et par désir de ce qu'il aura et qu'il dépense ce qu'il aura octroyé. Et qu'aucune âme ne sait ce qui leur a été caché et comme réjouissance de l'œil en rétribution de ce qu'ils auront accompli. Rapporté par Muslim. Donc là, ce hadith fait office à ceux qui se lèvent la nuit et qui demandent à Allah par peur de son châtiment et par convoitise de sa récompense, contrairement à ce que les gens disent, qu'on adore Allah que pour lui-même, ni par amour, car ça c'est un amour d'intérêt. On dit non, ce n'est pas vrai, les anbiya ont appelé à cela. D'accord ? Kama jafi yakulillah yaza wajel. En parlant de Zakaria de sa femme qui se concurrençait dans le bien et qui nous invoquait par convoitise et par peur. Tout cela, c'est la voix des NBA. Donc, quelqu'un qui vient qui te dit moi je n'adore Allah que pour Allah et non pas pour son paradis ou pour son feu, celui-là c'est un zindir, c'est un égaré de première, comme on dirait. Donc là, le hadith parle justement de ce Jannah. ثم قال في السؤال ثالث واربعمائة وألف ثالث question. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ Quelle est la chose qui est la plus grande cause pour que les gens rentrent au paradis? Il s'agit de taqwa Allah ou husn al-khuluq, la crainte d'Allah et le bon comportement. Et cela bien évidemment après le tawhid qui est la clé principale. La clé principale et la clé primordiale qui ouvre le paradis pour le croyant, c'est son tawhid. Sans tawhid, il n'y a pas de Jannah. Celui qui aura associé Allah Azzawajal et est mort sur le shirk, l'akbar, il ira au feu éternellement. Quelle que soit la multitude de ses bonnes œuvres, il a fait du shirk, il est mort dessus sans faire tawba, il ira au feu. Donc, parmi les causes qui sont les plus grandes causes qui aident à entrer au paradis, c'est la crainte d'Allah Azzawajal et le bon comportement. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. Qu'il est interrogé quelles sont les choses qui font entrer le plus les gens au paradis. Il dit c'est la crainte d'Allah et les nobles caractères apportés par Tirmidhi. ثم قال في السؤال الخامس وأربعمائة وألف 1405 question. ما هي الأشياء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمر الديار وتزيد في الأعمار. Maintenant, il dit, c'est la 1405e question, quelles sont les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informées, qu'elles sont une cause de risque dans les maisons, et qu'elles rajoutent du temps de vie. Elles rajoutent du temps de vie. Il dit, fait hadith à Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sirat al-Rahim, wa husn al-Khuluq, wa husn al-Jiwar, ya'muran al-Diyar, wa yazidana fil a'mar, rawahu Ahmed. Il a dit, l'entretien des liens de parenté, ainsi que les nobles caractères, le bon comportement et le bon voisinage sont les choses qui font vivre les maisons, c'est-à-dire qui apportent du risque dans les maisons, dans les demeures, et qui rajoutent du temps de vie. Donc là, on voit également parmi les causes qui amènent du risque, comme des gens se l'imaginent, contrairement à ce que les gens se l'imaginent, ce n'est pas que le travail, il y a plein de causes. Le lien de parenté à entretenir, également la taqwa en fait partie, et le bon voisinage. Le bon voisinage. Il y a encore d'autres choses. L'adoration en elle-même. D'accord, l'adoration en elle-même. فبيدكم نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين